Ferriel Bakoury, vous êtes la nouvelle directrice de l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Nouvelle directrice, en fait, pour une nouvelle scène nationale, puisque à partir des tout prochains mois, on est vraiment dans la fusion de deux identités, deux structures, deux institutions culturelles qui n'en feront plus qu'une seule. C'est bien ça, d'un côté l'Apostrophe, avec les deux théâtres que nous connaissions jusqu'alors, Théâtre des Arts à Cergy, Préfecture, Théâtre des Louvrets à Pontoise, et enfin le Théâtre 95 sur Cergy Préfecture. Alors c'est encore un peu plus complexe parce que vous allez même vous délester, je crois, du Théâtre des Arts à terme. Oui, si tout va bien, c'est ce qui va se passer. Nouvelle directrice pour une nouvelle scène nationale, c'est déjà en soi un bel objectif, un bel enjeu. Oui, tout à fait. C'est l'idée, j'ai envie de dire, des tutelles aujourd'hui, qui est qu'en effet, dans cette partie de l'Île-de-France, dans l'ouest parisien, il n'y avait pas, parce que c'est une nouvelle scène nationale, mais c'est aussi un nouveau grand pôle de création. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on se pose des questions d'enjeux locaux et que mon projet a été, comme je le dis souvent, pensé dans la spécificité du territoire et de la population. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'échelle régionale et nationale, il s'agit de créer un grand pôle de création que le rassemblement des équipements et des équipes permet. C'est-à-dire plus de projets qui sont fabriqués ici. Donc oui, nouvelle scène nationale et nouveau grand pôle de création qui prendra sa place parmi les grands pôles de création en Île-de-France avec un projet qui a été construit à partir des spécificités du territoire et avec des artistes qui vont m'aider donc du coup à créer ces liens avec le territoire. Basé toujours ici à Cergy-Pontoise, mais avec un véritable rayonnement, pour ne pas dire une véritable irrigation sur l'ensemble du département du Val-d'Oise, zone urbaine, zone rurale comprise. Oui, tout à fait. Alors, j'ai envie de dire que le travail a déjà été entamé par mes prédécesseurs, notamment très largement par Jean-Joël Le Chapelain avec le réseau, par exemple, Escale Danse dans le Val d'Oise. Et donc, c'est la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise grâce à Jean-Joël Le Chapelain et depuis longtemps. Et donc, l'idée, c'est en effet de continuer à ce travail d'enracinement dans l'agglomération et dans le Val d'Oise par la conquête des publics, comme ça l'a toujours été fait en le renforçant, aussi par des projets qui iront à l'extérieur dans le Val d'Oise. Exactement dans la lignée poursuivie, mais peut-être avec des projets participatifs qui nous aideront à aller chercher dans le maillage particulier, j'ai envie de dire, des villes qui constituent le département en particulier. J'ai entamé une discussion à la fois avec l'agglomération et le Val d'Oise pour affiner, j'ai envie de dire, ces recherches et cette irrigation de la scène nationale pour que les gens viennent plus et pour que des projets s'y démultiplient, notamment dans des endroits où il y aurait peut-être moins d'irrigation. Vous pensez vous appuyer sur les autres structures, équipements, institutions culturelles qui existent dans ce département? Elles sont nombreuses en réalité, mais elles ont parfois du mal à travailler ensemble. Est-ce que l'idée de fédérer un peu toutes ces pratiques pour avoir peut-être un peu plus d'échanges de bonnes pratiques, comme on dit souvent, c'est dans l'intérêt des publics à conquérir? Ah oui, tout à fait. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai vraiment entamé à Montreuil. C'est-à-dire que, pour moi, toutes ces structures sont complémentaires avec celles que je vais avoir à gérer. Et c'est évident qu'il faut être dans la co-construction. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça. C'est quelque chose que Jean-Joël Le Chapelain fait. Et donc après, je vais le faire à ma manière. Mais pour moi, c'est tout à fait essentiel. Enfin, il y a des partenariats tout à fait exceptionnels. Et je vais les poursuivre, en développer d'autres, à l'échelle de l'agglomération, du Val d'Oise, avec la Fondation Royaumont, avec l'École d'art, la Boïe de Maubuisson, etc., etc. Et avec, en effet, tous les théâtres qui sont nombreux dans ce département. De toute façon, c'était ma manière de fonctionner déjà à Montreuil, donc je pense que je vais la démultiplier ici avec joie, vraiment. Comme pour tout théâtre, on va dire qu'il y a une mission d'intérêt public, de service public aussi sur un territoire aussi large que le Val d'Oise, je suppose que l'une de vos missions, l'une voire même de vos priorités, c'est de partir à la conquête des publics, voire des non-publics, car on sait effectivement que dans notre pays, les pratiques culturelles, elles existent, mais le non-public, il existe de plus en plus, peut-être davantage encore chez les moins de 30 ans aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il existe plus et je ne sais pas si la France est à part là-dedans. Hein. Parce que, à l'inverse, je pourrais vous dire qu'on est quand même connu en France pour avoir des services de relations publiques. Enfin, j'ai beaucoup voyagé dans d'autres espaces. La notion de relations publiques n'existe qu'en France. Donc, ce n'est pas la peine de trop s'auto-flageller. Disons qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que même si nos salles sont pleines et les salles de l'Apostrophe sont pleines, les salles de Montreuil sont pleines, ce qui est un peu compliqué à aborder, c'est en effet pour des gens qui n'auraient pas fait cette rencontre avec les arts et la culture, et même quand ils le font par le biais scolaire, c'est de savoir ce qu'ils en font après. Et donc c'est vrai que c'était un des aspects de mon projet que de réfléchir à ça. Et sur cette question des noms publics, bah, j'ai plusieurs points. C'est les formes participatives qui impliquent les gens, qui les mettent au cœur des créations, leur font vivre des vraies expériences, et que je vais avoir des vrais alliés artistes de ce point de vue-là, qui seront des chorégraphes, des metteurs en scène et des musiciens, compositeurs. L'autre chose, c'est qu'il faut vivre les lieux autrement et au-delà des temps de représentation. Ça, c'est essentiel. Il faut que les gens aient moins peur, il faut qu'il y ait un restaurant animé, il faut qu'il y ait des temps forts, il faut qu'il y ait ce que j'appelle toute la vie du lieu, qui veut dire qu'on rentre dans le lieu au-delà et en plus du cadre de la représentation, et il faut avoir un dialogue permanent avec les associations qui sont des sources possibles dans les liens avec les travaux amateurs et qui sont extrêmement vivantes, j'ai envie de dire ici, et qui permettent justement d'atteindre des gens qui n'ont pas forcément une démarche spontanée de venue au théâtre. Et puis après, il y a ce que je dis souvent, il faut aller à l'extérieur. Avec des formes différentes, il faut que le théâtre, que la scène nationale sorte de ses murs. Et aujourd'hui, il y a des artistes d'espace public qui travaillent sur des valeurs qui sont à la fois artistiques et politiques. Pas politiques au sens politicien, mais au sens ils ont envie que des gens qui n'ont pas l'idée de venir au théâtre puissent avoir un dialogue sur l'artistique. Et ça, je suis en plein dialogue avec ces artistes d'espace public. Ça veut dire qu'un théâtre encore peut être perçu pour beaucoup comme un espace difficile. Au niveau de l'acte d'entrer dans un théâtre, il y a une forme de timidité qui existe, voire d'autres freins. Parfois, c'est le frein qui est lié, comme vous le savez, certainement à l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller au spectacle, ça coûte une certaine somme d'argent et c'est souvent les plus privilégiés qui peuvent aller au spectacle. Moi, je ne crois pas que ça se résume vraiment à la question de l'argent parce que nos tarifs sont quand même très accessibles. Et si je prends le prix moyen, par exemple, à Montreuil, est de 8 euros. Donc, ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a des barrages que, encore une fois, loin de moi l'idée de nous flageller, nous, acteurs culturels, que ces barrages, ils sont nombreux. Mais ce n'est pas simplement pour le théâtre. Je pense que c'est pareil pour les autres arts et qu'on est obligé de prendre des détours pour arriver à faire venir les gens. C'est-à-dire aller chez eux, les faire participer à des expériences. Mais du coup, je ne suis pas pessimiste parce que malgré tout, il me semble qu'aujourd'hui, ce sont même les artistes et une certaine catégorie de directeurs qui, dans ce que vit la France aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de fracture terrible sociale de ceux qui sont en dehors et de ceux qui sont dedans, qui ont envie de changer les choses. C'est-à-dire que l'art se modifie avec ça, donc j'ai quand même bon espoir. Et en même temps, j'ai la lucidité de penser qu'il faudra du temps pour faire ça et que c'est un des points d'action possibles d'une scène nationale, que trouver avec les artistes la moyen de faire venir des gens différents, mais je ne peux pas me substituer complètement à un discours social. Il faut quand même rester un peu humble et réaliste. Voilà. Sur le plan artistique, rapidement, j'ai lu dans votre projet présenté justement à l'agglomération de Cergy-Pontoise, au ministère de la Culture et au jury, donc composé aussi de représentants du département du Val-d'Oise. Sur la partie artistique, vous disiez c'est défendre une priorité, mieux soutenir les artistes en développement, notamment en production. Ça veut dire effectivement c'est une manière aussi d'ouvrir les portes d'une institution comme celle de l'Apostrophe à des pratiques artistiques qui avaient peut-être du mal à rentrer dans ce circuit des scènes nationales. Non, je pense que c'est toute une question de moyens. Et d'ailleurs, des moyens, je pense, je l'ai dit dans mon dossier, hein, il faudra que l'État nous accompagne mieux sur cette scène nationale. L'État était très bien, mais il se trouve que dans la fusion des moyens, très bien placé, mais la fusion des moyens, une scène nationale doit pouvoir avoir un tiers du financement qui vienne de l'État. Donc là, l'enjeu du meilleur soutien, c'est un enjeu financier. C'est un des objectifs des tutelles réunies, donc j'ai confiance sur ce point-là. Disons que, pour le coup, le rassemblement des deux équipements, parce que c'est quoi accompagner les artistes mieux, c'est leur permettre d'être programmés dans des nombres de représentations plus longues pour que leur projet soit vu. C'est en effet leur faire bénéficier de salles de répétition le plus régulièrement possible, ce que permet la fusion des deux équipements. Et c'est en effet leur donner des moyens financiers en production. Ces trois aspects-là, ils viennent, alors j'allais dire, de manière structurelle avec la fusion des deux équipements et avec le soutien accru de l'État, je l'espère, très vite. Vous faites bien de rappeler le contexte justement de fusion des deux équipements, car c'est aussi en soi une nouvelle étape dans la vie culturelle de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Je lisais dans votre projet aussi quelques temps forts que vous avez imaginés, espérés, j'imagine à moyen terme, parce que le temps de mettre tout ça en place, Festival des territoires de l'art, Festival des nouvelles générations, on voit effectivement l'idée d'ouvrir la scène nationale encore pour irriguer davantage son territoire. Oui, tout à fait. Donc, Festival des Nouvelles Générations, ça revient à l'axe jeunesse. C'est-à-dire, oui, il y a plus de 50% de jeunes à Cergy-Pontoise et dans le Val-d'Oise. Il me semble qu'il faut forcément que le projet s'adresse à eux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a du mal faire après la vie scolaire et nous irons sur d'autres modèles, comme je les ai développés, c'est-à-dire des spectacles et des projets qui partent d'eux, des formes participatives, un espace festif, toutes ces choses que je vous ai dites. En tout cas, ça revient à la question de l'espace public, c'est-à-dire que la scène nationale et les artistes sortent des murs et aillent vers les publics, et notamment sur ceux qui ont encore du mal à passer la porte. Donc c'est ça l'idée du Festival des Territoires de l'Art. C'est l'idée d'aller à l'extérieur. Et il y a des artistes qui ne pensent que les questions d'espace public. Je vous cite, je reprends une phrase, ça sera la conclusion de notre échange, parce qu'il nous faudra développer ce projet qui est riche en idées et justement en ouverture dans le sens d'aller vers d'autres publics, d'aller ici à la rencontre de toutes les populations qui vivent sur Cergy-Pontoise et plus largement sur le Val-d'Oise et voire dans le voisinage. Vous dites, je rêve d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise qui, forte de son passé et de ce qu'elle a déjà déployé, se tourne vers l'avenir, une manière de rêver à de nouvelles perspectives. Donc, vous vous appuyez bien sur ce passé qui a forcément une richesse au niveau des années qui viennent de s'écouler. C'est pas faisons table rase du passé pour construire un nouveau projet. Pas du tout. Alors là, je vais souligner quand même la chose la plus importante, c'est la qualité quand même de la transition que j'opère beaucoup avec Jean-Joël, ça se fera avec Joël plus tard, et donc ce que j'observe, et ce qui va me permettre de développer les axes spécifiques du projet dont je viens de vous parler, c'est bien qu'il y a, j'ai envie de dire, plus qu'une bonne base, les fondamentaux sont là, il y a du public à l'apostrophe, et du coup, les développements qualitatifs dont je viens de parler, aller chercher des gens différents, vont pouvoir s'opérer parce que, l'a dit Jean-Joël Le Chapelain à sa présentation de saison, il y a 40 000, 45 000 spectateurs, donc je revendique complètement son héritage et la qualité de la transition qu'il m'a offert, qui vont me permettre justement d'aller peut-être à l'endroit où c'est plus compliqué dans le temps. Merci Feriel Bakoury, on vous souhaite la bienvenue ici à Cergy-Pontoise et plus largement dans le département du Val-d'Oise pour conduire les destinées de cette nouvelle scène nationale. L'apostrophe, merci à vous.